Aoromi Osono, génial musicien et compère de Sakamoto, bien avant leur groupe électro Yellow Magic Orchestra, a changé la face de la musique au Japon. Nous sommes à Tokyo en 1973. En 1984, Ryuichi Sakamoto publie son cinquième album solo, Ongaku Zukan. Il faudra attendre 1986 pour que ce chef-d'œuvre de crossover électro sorte dans le monde entier sous le titre Illustrated Musical Encyclopedia. À l'époque, la musique et les imports circulaient difficilement entre le Japon et le reste du monde. C'était bien avant Internet. Personne n'imagine aujourd'hui le choc esthétique de ces sons qui mêlaient électro, dance floor, tradition japonaise, musique concrète comme ici les cliquetis des appareils photo, clin d'œil ironique au propos à propos des clichés occidentaux sur les Japonais en vacances, vous voyez l'image. Et on retrouve aussi du jazz, du funk et l'amour infini de Sakamoto pour les musiciens français du début du siècle, Ravel, Satie, Debussy. Tibetan Dance, nous sommes à Tokyo en 1984. We'll be right back. un an plus tôt, en 1983, David Bowie atteint un nouveau sommet dans sa carrière. Sway through the crowd. Il publie son 15e album solo, Let's Dance. Toujours en 1983, Bowie est aussi l'acteur principal du film Furio, réalisé par Nagisa Oshima. Il rencontre ainsi Ryuichi Sakamoto, d'abord comme musicien, mais également comme acteur. La musique du film qu'il a refusé d'écrire sera finalement composée par Sakamoto et fera le tour du monde. C'est un blockbuster dans le genre qui écrase et porte le film vers des sommets d'incandescence mélancolique, tragique et érotique. Un an plus tard, Bowie énerve ses fans et conquiert les dance floors avec sa disco infernale, produite par Nile Rodgers. Let's Dance retrouve une seconde vie en 2023 sur les réseaux sociaux, mais cette fois, le titre met tout le monde d'accord, y compris les gamins qui redécouvrent le Bowie Dance. Let's Dance est ici détricoté par la fantastique Honey Dijon. Nous sommes en 1983 et en 1923, une faille temporelle de 40 ans s'ouvre sous nos pieds, pile l'année de la disparition de Sakamoto. Let's Dance, David Bowie. La nuit des temps, Radio Dieu. Under the moonlight, the serious moonlight. Même au milieu de ces déconstructions électro, Sakamoto est toujours revenu au son traditionnel. C'est comme le boléro de Ravel, il y a une boucle qui se répète à l'infini et quelque chose non seulement nous touche, nous donne l'envie de se lever, mais nous fait grimper très très haut. Par ces sons, Sakamoto retrouve le goût des mélodies directes, puissantes et simples. Comme lors de ses derniers albums, avant de disparaître, il nous transporte avec quelques sons concrets et trois notes absolument sublimes. Sakamoto en 1989. Thank you. Ryuichi Sakamoto et David Sylvian en 1991, Heartbeat. On retrouve aussi sur ce 9e album de Sakamoto John Cage, Bill Frisell, John Lurie, Arto Lindsay, Yusuf Ndour ou sur ce titre le DJ et producteur génial japonais Satoshi Tomi. I see the lines in the palm of its hand now. I listen hard, but no words spring to mind. And it sounds so sweet. Listen to its heartbeat. I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. The blood sail leaves tonight, fated in its blindness. And it won't be long before help is at hand. Darkness sleeps, cushioning the heartbeat. And I killed the captain, sank the fleet to liberate the heartbeat, baby. And it sounds so sweet, it sounds so sweet. Listen to our hearts beat. Sleeps, cushioning the heartbeat. And I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. Speaks to dust, says light, springs to life, doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, bathed in sleep. Nailed to the source and it won't let go. Fed on the Bible, growing from trees. Open the mind and the heart was free. A home in the silence, safe from sound. The trouble sleeps and the light is found. Speaks to ghosts and cells of light. Springs to life and it doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, bathed in snow. Nailed to the source and it won't let go. Fed on the Bible. Listen to my heartbeat. Won't be long. Won't be long. Won't be long. So sweet. Listen to my heart. A day's hurt. Playboy's chat. 1978, vous venez d'entendre les tout premiers sons de Ryuichi Sakamoto en solo. Il rend l'appareil à Kraftwerk. Voici un classique des classiques de l'électro, Thousand Knives, également, vous allez l'entendre, sous haute influence de Carlos Santana et des rythmes afro-cubains, tout Sakamoto. la nuit des temps, l'international de la danse. Synthétiseur, échantillonneur, séquenceur, boîte à rythme et ordinateur. Autant d'outils qui ont fait le bonheur du Yellow Magic Orchestra et de Ryuichi Sakamoto. Nous sommes en 1980. Ah, Lost, Ryuichi Sakamoto, 1984. Peu de mal ce soir à fermer les portes de notre bon vieux club de la nuit des temps, parce que tout simplement le cœur de la nuit des temps est à Tokyo depuis deux semaines avec la disparition de Ryuichi Sakamoto. Et avant de laisser la place tout à l'heure à Comme à la radio, Dio avec ses machines et surtout ses fantastiques expérimentations en direct, tout est en direct, promis, c'est fait à la main et avec des machines, le temps de les installer, eh bien on va poursuivre notre voyage avec Ryuichi Sakamoto, encore avec quelques sons pour se promener dans son œuvre immense et protéiforme. Et on va se séparer avec Vincent Lecomte qui revisite quelques-uns de ses sons, c'est Japan Ghost. Sayonara, Ryuichi. Restez bien sur les ondes du 89.5 Radio Dio. Très belle nuit à vous. 今回このプロジェクトをやることで、それ作っている人たち、そしてその風土、日々の仕事っていうのを知ることによって、その彼はとても素朴で真摯に真面目に作って、まあ、コミュニティに目指してやってるということを知ってですね、そのことがとてもインスピレーションになりましたね。スタジオに入るとこれから始まる生のオーケストラの音を浴びるその快感というものを考えて、とても気持ちが盛り上がりますね。ハロー、I'm Yuichi Sakamoto. I'm a composer and a group lover. Yes, I use my body to make sound, or my body movements to make like melodies.